Sitôt la disparition de Potas, le monsieur qui lisait le temps à l'extrême gauche s'est levé. Il a déposé sur la table les 8 sous de sa consommation et s'approchant le chapeau à la main de Boubouroche qui bourre une pipe... Je vous demande pardon, monsieur. Vous êtes bien monsieur Boubouroche? Oui, monsieur. Ernest Boubouroche? Ernest Boubouroche, parfaitement. C'est bien vous qui avez pour maîtresse, boulevard Magenta, 111 bis au 4e sur la rue, une personne appelée Adèle. Mais... Répondez franchement, oui ou non. Je vous dirai pourquoi après. Je souhaite, il est en effet exact que cette dame est mon amie. C'est tout ce que je voulais savoir. Eh bien, monsieur, elle vous trompe. Elle me... Asseyez-vous donc, monsieur. Voulez-vous prendre un distingué? Si fait. Deux distingués, Amédée. Expliquez-vous, monsieur, je vous prie. Combien je suis fâché, monsieur, d'avoir à vous gâter aussi complètement que je vais avoir l'honneur de le faire, les illusions où vous vous complaisez. La sympathie que vous m'inspirez me rend singulièrement pénible. La mission, vile en apparence, en réalité, profondément charitable, philanthropique et fraternelle, dont j'ai fait dessein de m'acquitter. Mais quoi? Je suis ainsi bâti. J'estime qu'on ne saurait sans crime sacrifier la dignité d'un honnête homme à la fourberie d'une petite farceuse qui lui carotte son argent, lui gâche en injuste querelle le peu de jeunesse qui lui reste et se fiche outrageusement de lui si j'ose parler un tel langage. Cette histoire, qui est hélas celle de tant d'autres, est la vôtre, mon cher monsieur. Vous êtes cocu. À votre santé. Elle est fraîche. Monsieur, votre air respectable et la solennité de votre langage me font un devoir de penser que je ne me trouve pas en présence d'un vulgaire mystificateur. Vous venez de porter contre une femme qui m'est chère la plus grave des accusations. Il vous reste à la justifier. Monsieur, nous ne vivons plus autant qu'à illustrer la tour de Nesle, où les murs étouffaient les cris. Les siècles ont marché, les hommes ont produit. À cette heure, nous habitons des immeubles bâtis de plâtre et de papier mâché. L'écho des petits scandales d'au-dessous, d'au-dessus, d'à côté, en suinte à travers les murailles, ni plus ni moins qu'à travers de simples gilets de flanelle. Depuis 8 ans, j'ai pour voisine de palier cette personne que, naïvement, vous ne craignez pas d'appeler votre amie. Depuis 8 ans. Invisible auditeur, je prends à travers la cloison qui sépare nos deux logements ma part de vos vicissitudes amoureuses. Depuis 8 ans, je vous entends aller, venir, rire, causer, chanter le forgeron de la paix avec cette belle fausseté de voix qui est l'indice des consciences calmes, cirer le parquet, remonter la pendule et vous plaindre non sans aigreur de la cherté du poisson, car vous êtes homme de ménage et volontiers vous faites votre marché vous-même, c'est exact. Rigoureusement. Depuis 8 ans, je m'associe à vos joies et à vos misères, compatissant à celle-ci et applaudissant à celle-là, admirant votre humeur égale dans la bonne comme dans la mauvaise fortune et l'infinie grandeur d'âme qui vous porte à ne pas caloter votre amie chaque fois qu'elle l'a méritée. Eh bien, monsieur, ici je réclame de vous un redoublement d'attention de ces 8 ans. Pas un jour ne s'est écoulé qui n'ait été pour votre ami l'occasion d'une petite canaillerie nouvelle. Pas un soir, vous ne vous êtes couché qu'excellemment jobardé et cocufié comme il convient. Pas une fois, vous ne franchîtes le seuil du modeste logement payé de vos écus où s'abritent vos plus chers espoirs qu'un homme, vous m'entendez bien, n'y fût caché. Un homme? Oui, un homme. Quel homme? Un homme dont j'entends la voix quand vous n'êtes pas arrivé et les rires quand vous êtes parti. Ça vous coupe le manillon, hein? Oh, what? Oui, oh, what? Vous ne savez pas ce que vous dites et je connais Adèle mieux que vous. Elle est incapable de me trahir. Voulez-vous me permettre de vous dire que c'est vous-même qui parlez sans savoir? Vous n'avez même pas la clé de l'appartement. Non, je n'ai pas la clé, mais qu'est-ce que ça prouve? Je suis tombé plus de 1000 fois chez Adèle à n'importe quelle heure du jour, du diable si au grand jamais elle a mis plus de 6 secondes à venir ouvrir la porte. Vous êtes une poire, mon cher, voilà mon opinion. Qu'Adèle ait ses côtés embêtants, je ne dis pas, mais quant à être une honnête femme, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est une petite gueuse. Deux distingués, Amédée. Me tromper, Adèle. Je voudrais bien savoir pourquoi elle me tromperait. Pour de l'argent? Elle se moque de l'argent comme de sa première chemise. Elle vivrait de pain et de lait et elle paye ses jartelles 39 sous au Louvre. Pour le plaisir? La pauvre enfant. Elle n'a pas plus de sens qu'un panier à bouteilles. Oh, homme, enfant aveugle et 14 fois sourd. Pas de sens. Mais mon cher monsieur, c'est vous qui n'en avez pas. Vous me faites l'effet de ces gens atteints du rhume de cerveau qui refusent tranquillement aux roses un parfum qu'ils ne perçoivent plus. Pas de sens. Écoutez, monsieur, je sais bien que nous sommes entre hommes, mais il est de ces questions brûlantes que l'on ne saurait effleurer avec trop de délicatesse. Je vous disais il y a une minute que nous ne vivions plus au temps où les murs étouffaient les cris. Qu'il me soit permis de le redire, et à bon entendeur, salut. Au surplus, n'eût-elle pas, ainsi que vous l'affirmez, plus de sens qu'un panier à bouteilles, en eût-elle 100 fois moins encore, elle vous tromperait cependant. Pourquoi donc? Mais parce que tromper toute la femme, monsieur, est là. Croyez-en un vieux philosophe qui sait les choses dont il parle et a fait la rude expérience des apophtègmes qu'il aimait. Les hommes trahissent les femmes dans la proportion modeste d'un sur deux. Les femmes, elles, trahissent les hommes dans la proportion effroyable de 97%. Parfaitement, 97. Et ça, ce n'est pas une blague. C'est prouvé par la statistique et ratifié par la plus élémentaire clairvoyance. Bref, que ce soit pour une raison ou pour une autre, ou pour pas de raison du tout, à cette même minute où je vous parle, un intrus est sous votre toit. Il est assis en votre fauteuil familier. Il chauffe les semelles de ses bottes au foyer habitué à rissoler les vôtres. Et il sifflote entre ses dents l'air du forgeron de la paix qu'il a appris de vous à la longue. Que vous n'en croyiez pas un mot, c'est votre droit. Pour moi, ma mission est remplie et je me retire le cœur léger en homme qui a fait son devoir sans faiblesse, sans haine et sans crainte. Si les hommes apportaient dans la vie cet esprit de solidarité que savent si bien y apporter les femmes, et faisaient les uns pour les autres ce que je viens de faire pour vous, le nombre des cocus n'en serait pas amoindri. Mais combien serait simplifié, et c'est là que j'en voulais venir, la question toujours compliquée et pénible des ruptures dont le besoin s'impose. Monsieur, à l'honneur de vous revoir, je vous laisse les consommations. Nom d'un tonneau! Monsieur Désir? Vous m'embêtez rien du tout. Au fait, si, qu'est-ce que je vous dois? 9 francs 20. Voilà 10 francs, gardez. Merci, monsieur Boubouroche. Qu'est-ce qu'il y a donc? Au nom d'un tonneau!